la mer offre sa vue, un monstre dévorant, guidé par la fureur. Rien ne peut la sauver, tout offre à sa pensée. Les horreurs du plus triste sort, sans regret, elle voit la mort. Elle ne pleure que Persée. Conduit par les amours, Persée à son secours vole, combat.